ouais, même quand tu sais comment je démarre. Hey, mes bateaux sont du sale sur la Yamaha. Terre au Pécalente, jamais y'aura mieux. Je vais dire toi et ton meilleur ami. Et puis je verrai qui fait le meilleur adieu. C'est moi le C63 du rap de jeu. Ouais, c'est qui m'a le gueux. Peut-être si verre il va neiger. Mais qui m'a lui va tempêter le leu. Un peu d'alcool pour que moi de charité. C'est la guerre, les cons sur le chat et tout. Je suis placé devant la comte Chaito. Faut qu'on fasse demi-tour à pour aider les chats. Là je suis en moto volé. On rond-point sur poteau, oh là. Et y'a des têtes contrôlées, finissent par SMS en Motorola. On me dit quoi de neuf, c'est pour quand le V8. J'ai pas comme toi, j'm'offrirai le V8. Sois encore content qu'on a pas mis le power. Ou je suis un bas, c'est comme Rocky Balboa. On me dit quoi de neuf, c'est pour quand le V8. J'ai pas comme toi, j't'offrirai le Piwi. Sois encore content qu'on a pas mis le power. Ou je suis un bas, c'est comme Rocky Balboa. J'ai fait les 100 pas dans la mer, les 200 joints dans la neige. J'ai des ennemis qui sont libres, et des frérots condamnés. J'ai fait les 100 pas dans la mer, les 200 joints dans la neige. J'ai des ennemis qui sont libres, et des frérots condamnés. Au bout du joint, la couleur fournaise, j'ai ça m'appliqué dans les mauvais fourneaux. Pas de bol, le rein déterminé, c'est du bon, on aurait peut-être qu'il est miné de parma. Sans ta blessée, ne veux pas d'infirmière, j'aime. Quand tu commences à faire noir là, c'est pour du rap de fermier. Bientôt dans ma chaîne, gros, j'en fais te faire moi. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour d'aigu. On est sur le terrain, pas celle de la Détroit. Bien du rappeur, Jack, mais un peu des deux. Les rimes ont pas changé depuis l'époque du Minitel. Regarde ce que ça donne quand j'écris un mini-pile. Tu sais que j'ai l'alcool, donc oublie tes mini-pelles. On me dit tu les tous, bientôt tu deviens militaire. C'était IM, il est Belly, grosso. Number 10, il est terrible, Godzo. Je leur souhaite tous de périr, Rosso. Défoncé, bah, je suis pénible, Ozo. Rapport 5 sur la péniche, on top. Skull secteur est paisible, qu'on zone. Mauvais payeur, le déniche, on tape. Applaudissements, gros, je fais plaisir, on zone. Quartier atteint, alcool à tout, cerveau atteint. Quartier atteint, alcool à tout, cerveau atteint. Quartier atteint, alcool à tout, cerveau atteint. Quartier atteint, alcool à tout. Pichou.